Joseph Sabiyaban. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Isanganiro, bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Le parti Savoignard Frodebou soutient la contribution aux élections, mais une contribution dépourvue de toute pression. Le président de ce parti appelle au dialogue toutes les parties concernées. Le groupe parlementaire de la coalition Amizeria Barundi interpelle le gouvernement burundais d'arrêter les violations des droits des opposants politiques. Vous entendrez dans ce journal le président de ce groupe. Un jeune garçon de l'ethnie Twa a été tué ce matin à Bururi. Ses bourreaux l'accusaient d'avoir volé une chèvre. Et le ministère de la Santé se donne 12 ans pour éradiquer la contamination d'HIV/SIDA. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. En page politique, le parti Frodebou Nyakuri est pour la contribution pour les élections de 2020, mais soutient une contribution volontaire. Kefani Bizi, président de ce parti, appelle différentes parties au dialogue sur la manière dont la contribution devrait se faire, selon lui, pour que cette contribution garde la ligne du volontarisme. Personne ne devrait faire pression sur l'un ou l'autre. On l'écoute, il est au téléphone avec Francine Ndihokubgay. Nous avons toujours soutenu la contribution volontaire aux élections de 2020 parce qu'il s'agit nécessairement d'un acte citoyen. Vous parlez de contribution volontaire au moment où il y a une ordonnance ministérielle qui montre comment doit se faire cette contribution. Est-ce qu'à ce moment-là, il sera volontaire? Dans cette ordonnance, il y a un article qui précise bel et bien que la contribution est toujours volontaire. Cela montre que donc cette logique volontariste a été respectée. Donc nous interprétons cette ordonnance comme étant une orientation qui montre seulement comment les contributions devraient se faire, sinon elle-même montre que la contribution reste volontaire. On avait prévu qu'il y ait un dialogue entre les concernés et les différents groupes de travailleurs. Cela donc devrait liquider ces grognes qui existent maintenant. Donc je pense que les services concernés devraient commencer plutôt à expliquer, à sensibiliser pour donner la lumière afin d'éviter qu'il y ait des lamentations. Le message que nous lançons, d'abord, c'est que tout le monde ait cette volonté de donner sa contribution aux élections de 2020, mais aussi qu'il n'y ait personne qui fasse pression sur l'un ou l'autre pour qu'il donne sa contribution, parce qu'il faut rester toujours dans cette ligne du volontarisme. Kefani Bizi, il est président du parti Frodebou Nyakuri, toujours en page politique. Le groupe parlementaire de la coalition Amizeria Barundi demande au gouvernement de garantir à tous les citoyens burundais les mêmes droits. Dans un communiqué de presse sorti ce jeudi, le président de ce groupe parlementaire indique que les opposants politiques ne devraient pas être malmenés dans un pays qui se veut démocratique. Pierre-Célestin Ndikumana donne les cas de quelques violations observées ces derniers jours. Suivez. Nous venons de faire sortir un communiqué de presse qui brosse la situation sociopolitique actuelle. Nous, en tant que députés du groupe parlementaire de la coalition Amizeria Barundi, nous avons justement voulu porter à la connaissance de l'opinion tant nationale et internationale ce que nous observons aujourd'hui, à commencer par des discours de haine qui sont prononcés par certaines personnalités administratives et politiciens mal intentionnés. Vous entendez par exemple des discours de haine contre notre leader, en particulier Agathon Rwasa. Il y a vraiment des écarts de langage qu'on observe actuellement. Des gens qui vont même nier qu'il est élu du peuple. Nous avons aussi condamné fermement les emprisonnements arbitraires dont sont victimes les indépendants de la coalition Amizeria Barundi, sous prétexte qu'il serait en train de sensibiliser contre la nouvelle constitution. Nous sommes bien sûr préoccupés par cette situation et c'est la raison pour laquelle nous avons voulu dénoncer ça. Parce que normalement, à vrai dire, ce qu'on appelle référendum, ce n'est rien d'autre. C'est un vote par lequel les citoyens peuvent approuver ou rejeter une mesure proposée. Ce qui signifie, en fin de compte, que les gens peuvent approuver ou désapprouver le projet de constitution. Donc, il serait illogique et antidémocratique de pourchasser des gens, de condamner des gens sur base d'autres soupçons. Nous avons aussi regretté l'organisation de la contribution aux élections de 2020 parce que, évidemment, c'est comme si on impose les gens à contribuer obligatoirement. obligatoirement, ce qui est contraire, bien sûr, à la Constitution. Nous avons jugé que l'ordonnance conjointe est inconstitutionnelle parce qu'il viole l'article 70 de la Constitution. Autre chose que nous avons demandé, c'est la demande, bien sûr, au gouvernement de garantir à tous les citoyens burundais la paix et la possibilité de vivre au Burundi à l'abri de la peur. Parce qu'actuellement, les gens ont peur. Il suffit d'être soupçonné de ne pas appartenir au parti au pouvoir, de ne pas être favorable particulièrement à la révision de la Constitution pour être incriminé. Nous demandons également à la population burundaise de rester sereine malgré cette période de turbulence politique. Il y a l'adage burundais selon lequel « uzicashaka ntatora icyabonye », c'est-à-dire celui qui connaît d'où il vient et où il va ne doit pas choisir n'importe quoi. Et sur la page éducation, certains doyens des différentes facultés de l'Université du Burundi s'inquiètent du niveau bas des lauréats issus des écoles techniques. Ils l'ont dit ce mercredi dans un atelier de validation du rapport d'évaluation de la mise en œuvre de la réforme BMD. C'était à l'Université du Burundi. L'expert qui a produit ce rapport, le professeur Juma Chabani, propose comme solution d'organiser des tests de mise à niveau pour les lauréats avant d'être admis à l'enseignement supérieur. Suivez le reportage signé Gertrude Mawenayo. Se référant aux recommandations se trouvant dans le rapport d'évaluation de la mise en œuvre de la réforme BMD à l'Université du Burundi, Anastasie Gasogo, la directrice générale de l'enseignement supérieur, précise que les enseignants constatent que les lauréats des écoles techniques secondaires n'ont pas un niveau requis pour comprendre les enseignements universitaires. Si tous les enseignants constatent aujourd'hui que nous avons des lauréats du secondaire qui n'ont pas le niveau requis, je vais même très loin, j'ai l'impression que même quand nous enseignons, ils ne comprennent pas ce que nous disons. André Nduwimana, le doyen de l'Institut de pédagogie appliquée, quant à lui, le processus de la construction de la réforme BMD a été mal mené. Lorsque on observe, si vous voulez, la technique recommandée qui est de commencer d'abord par identifier les métiers sur lesquels on forme, les domaines de formation qui conduisent à ces métiers et finalement la construction des maquettes, je pense qu'à l'Université du Burundi, nous avons fait uniquement la troisième étape alors que ces étapes, si vous voulez, sont liées. On remarque effectivement que le processus de la construction de cette réforme a été malmenée. Alors aujourd'hui, il y a lieu de se poser la question, faut-il retourner en arrière pour effectivement respecter cette procédure ou bien faut-il revoir nos programmes ? L'expert qui a produit le rapport d'évaluation, Juma Chabani, propose qu'on organise des concours d'entrée à l'université pour les lauréats des écoles techniques secondaires. Alors, le concours d'entrée, le ministère évidemment intervient. Peut-être que ça serait lourd pour le ministère d'organiser ça. Mais la faculté de médecine fait des concours. Donc, c'est des modèles qui existent maintenant. Est-ce que c'est ça qu'il faut faire? Moi, je crois que ce qu'on avait proposé, c'est faire des cours de mise à niveau pour les lauréats des filières techniques et puis leur faire passer des tests pour voir s'ils ont maintenant le niveau pour entrer à la faculté. Et puis, les autres qui ne réussissent pas le test, les orienter vers des formations techniques de 2 ans, mais ouvrir une possibilité pour revenir dans les facultés à travers le cadre national. Le recteur de l'Université du Burundi, Gaspard Wanyangimbona, précise que la révision des offres de formation est plus qu'une nécessité pour améliorer la formation donnée. Nous disons merci à Gertrude Mawenayo pour ce reportage. Et toujours sur la page éducation, certains parents des élèves du lycée Notre-Dame de Rohero se plaignent qu'ils ont été obligés de payer 15 000 francs burundais par trimestre, en plus du Minerval. Le directeur de cette école indique que cette contribution a été décidée dans une assemblée générale du 15 octobre 2017 à l'initiative des parents. Sabimana Pierre-Joseph dit que la perception et la gestion de cet argent est faite par le comité des parents, présidé par Donatien Muyango, un cadre du ministère de l'Éducation. Les détails avec Charles Makoto. Certains des parents d'élèves de cette école disent qu'ils ne comprennent pas comment ils continuent à donner des contributions en violation de l'ordonnance du ministre. Celui-ci dit avoir été surpris quand son enfant lui a apporté une correspondance lui signifiant qu'il doit payer 15 000 francs en plus du Minerval. Il nous a demandé de verser une somme de 15 000 francs par trimestre par enfant. Alors, nous demandons de nous dire pourquoi il nous demande de verser la somme de 15 000 francs par trimestre. Est-ce qu'après avoir reçu la totalité de la somme des élèves qui fréquentent cette lycée, qu'est-ce qu'il va faire avec cet argent? La direction du lycée Notre-Dame explique que cette contribution a été décidée dans une assemblée générale des parents tenue le 15 octobre l'an dernier. Quant à la gestion de cet argent perçu, Pierre-Joseph Saïmana précise que la direction de l'école n'est pas dedans, que c'est au président du comité des parents d'en donner les détails. La direction de l'école n'a pas demandé cette contribution. C'est une contribution qui émane de la volonté des parents eux-mêmes. La question relative à l'emploi de ces frais, je pense qu'il revient au comité de gestion qui a été mis en place de donner des clarifications en rapport avec l'usage de cet argent. Mais je me rappelle bien d'une chose, c'est qu'il était prévu d'appuyer l'école, aussi de motiver les enseignants, ainsi que l'octroi des prix aux meilleurs élèves des classes du lycée Notre-Dame. Le président du comité des parents a évoqué, c'est Donatien Mugyango, directeur général de l'enseignement supérieur et professionnel au sein du ministère de l'Éducation. Quand nous l'avons approché, il nous a indiqué qu'il n'a rien à dire. Cependant, il a promis de donner des explications à tous parents. Les sources émanant du lycée Notre-Dame indiquent que l'argent collecté sera utilisé pour appuyer l'établissement et l'encouragement des enseignants. Isanganiro, la radio de l'avenir. À 13h08, nous poursuivons ce journal. Sur la page justice, un jeune garçon Moutoua du village 2 de la colline Burarana, nous sommes en commune Provence Bururi, est mort ce matin et son confrère agonisant. C'est suite à des coups et blessures lui infligés, les accusant d'avoir volé et égorgé une chèvre des voisins. L'administrateur de Bururi demande à la population de rompre avec la justice populaire. Les détails avec Jean-Pierre Misago. Les informations obtenues de la population de Mivira sur la colline Burarana, lesquelles informations confirmées par l'administrateur communal de Bururi et la police de Bururi, indiquent que le défunt a succombé aux coups et blessures lui infligés ce mercredi. À l'origine, le défunt de 15 ans et son confrère de 16 ans, disent ses sources, ont volé une chèvre qu'ils ont égorgé sur place avant de l'emballer dans un sac en début d'après-midi de ce mardi. Un berger de vaches qui assistait à la scène les a empêchés de transporter jusqu'à destination leur butin et sont rentrés au village des Batois Mivira 2 après avoir abandonné leur butin sur place. Le propriétaire de la chèvre s'est mis à leur recherche et les a passés à tabac au mercredi jusqu'à ce qu'ils soient ramenés chez eux dans un état critique. Le cadet a rendu son âme ce jeudi matin au moment où son confrère a été conduit dans une structure de soins dans un état critique. La police de Bururi recherche activement le propriétaire de cette chèvre qui s'est caché, mais qui, pour sa sécurité, il devrait se rendre lui-même à la police selon les responsables de ce corps à Bururi. Alors que la famille de la victime voulait se venger ce jeudi matin avant d'en être empêchée, l'administrateur communal de Bururi, Nestor Nijimbere, appelle sa population à rompre définitivement avec la justice populaire avant qu'il ne soit puni conformément à la loi. Jean-Pierre Misago, depuis Bururi, Radio Isanganiro. Merci à Jean-Pierre Misago pour cette correspondance. Et sur la page santé, le ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida se donne l'objectif que d'ici 2030, qu'aucun Burundais ne sera contaminé par le VIH-sida. Docteur Désiré Nduimana, le secrétaire exécutif permanent du Conseil national de lutte contre le sida, explique que c'est un objectif mondial auquel le Burundi doit se conformer. Il l'a dit ce jeudi lors d'une session d'échange sur les activités réalisées par les organisations de la société civile dans la lutte contre ce fléau. Suivez-le, propos recueilli par Léonce Vitalio. Depuis l'apparition du VIH au Burundi, c'était en 1983. Et le Burundi s'est beaucoup organisé pour combattre contre cette pandémie. Et par après, il y a eu la naissance des associations de la société civile de lutte contre le sida qui ont beaucoup contribué. Et l'étape à laquelle nous sommes, il y a eu une grande contribution de la société civile, que ce soit dans la mobilisation de la population pour la prévention, mais aussi dans la prise en charge. Certaines associations aussi donnent des médicaments contre le VIH. Est-ce que les malades reçoivent les médicaments facilement? Oui, tous les malades reçoivent les médicaments facilement. Ils sont disponibles au niveau du ministère, ils sont disponibles au niveau des districts, ils sont disponibles au niveau des différentes formations sanitaires, mais aussi au sein des associations qui nous aident dans la lutte contre le sida et surtout qui font le traitement. Il n'y a pas de problème, les médicaments sont disponibles. Tout personnel vivant avec le VIH sida reçoit le médicament sans problème. Les chiffres, comment se portent-ils? Comme vous le savez, le Burundi est en train aussi de suivre l'objectif mondial qui dit que d'ici 2030, on aura éliminé le VIH, surtout les nouvelles infections. Et de là, il y a l'objectif 90-90-90 qui arrive jusqu'en 2020 qu'on est en train de mettre en œuvre actuellement. Cet objectif vise à ce que 90% des personnes qui vivent avec le VIH connaissent leur statut sérologique et 90% des personnes vivant avec le VIH qui ont été dépistées positives soient mises sous traitement. Et parmi eux, 90% des personnes qui sont sous traitement et une charge virale indétectable. Et vous êtes rassuré, vous rassurez aussi. Comme vous le savez, c'est une ambition qui est mondiale et c'est aussi notre ambition au Burundi. On est en train de faire tout pour être les premiers à arriver à cet objectif. Et sur la page climat, plus de 300 maisons de la commune Lugombo et province Chibitoke ont été détruites dans la soirée de ce mercredi suite aux fortes pluies qui sont tombées. Les victimes de ces intempéries ont passé la nuit à la Belle Étoile. Le gouverneur de cette province, Joseph Iteriteka, dans une réunion d'urgence, a demandé à sa population de s'entraider avant toute autre forme d'assistance. Suivez-le. On a tenu une réunion d'orientation du comité de sécurité provincial et plateforme chargée de gestion des catastrophes, à l'endroit aussi de la population qui a été victime de cette pluie et du vent qui ont causé beaucoup de dégâts. Nous remercions Dieu parce qu'il n'y a pas eu même de dégâts azimés. On a analysé et puis on est arrivé à un consensus tout d'abord de chercher comment loger la population dont les maisons étaient détruites par c'était pluie. Après ça, on doit aussi collecter des vivres qu'on doit encore donner à cette population qui a été victime. Les maisons qui ont été détruites ont besoin encore de tôle. On va lancer un appel évidemment à la haute autorité pour qu'il y ait encore un secours, surtout une aide liée encore à des tôles pour pouvoir encore construire des maisons. Je pourrais encore signaler que nous aussi au niveau de la population, évidemment, nous avons déjà constaté que nous aussi nous devons faire quelque chose parce qu'il n'y a pas même ici au niveau de ce centre, au niveau de cette ville, on a trouvé qu'il faut qu'il y ait quand même des canaux d'évacuation qui pourraient permettre à ce que les gens puissent encore s'évacuer. C'était Joseph Iteriteka, gouverneur de la province Chibitoke. Sur la page énergie, pénurie de carburant au chef-lieu de la province Moalo depuis samedi dernier. Un litre d'essence coûte 4000 francs burundais, 6000 pour la bouteille en plastique dite Kinjou au marché noir. Une somme variant entre 500 francs et 1000 francs burundais s'est ajoutée depuis. C'est au transport par taxi-moto depuis le chef-lieu de cette province vers le chef-lieu des communes. C'est ce que des personnes qui empruntent ces voies indiquent. Le carburant de type essence peut être disponible d'ici 2 ou 3 jours. Cela a été dit par le porte-parole du ministère de l'Énergie et des Mines, où il explique que le problème résultait du manque d'autorisation pour les importateurs du carburant dont leurs camions doivent transiter sur le sol tanzanien. Suivez Leonidas Sindaigaya, qui est le porte-parole du ministère de l'Environnement et des Mines. Effectivement, il y a une petite perturbation au niveau de la fourniture du carburant, particulièrement la catégorie de l'essence. En fait, les importateurs du carburant doivent requérir quelques autorisations pour leurs camions qui transitent sur le sol tanzanien. Et il y a eu des petits problèmes au niveau de la fourniture de ces autorisations compte tenu de la lourdeur de la bureaucratie administrative. Et mais la situation est maintenant maîtrisée, les différentes autorisations ont été accordées et nous espérons que la situation va vraiment s'améliorer. D'ici 2-3 jours, la situation va nettement s'améliorer. D'ailleurs, même ce matin, lorsque j'ai vu que la plupart des stations étaient en train de distribuer le carburant sans qu'il y ait des fils. Vous nous excuserez, c'était Léonidas Sindai Gaya, porte-parole du ministère de l'Énergie et des Mines, et non pas le porte-parole du ministère de l'Environnement. L'ignorance des changements corporels, c'est la majeure cause des grossesses précoces chez les adolescents. C'est ce que dit le coordinateur national de chez Annette Burundi lors d'un atelier ce jeudi sur l'approche collaborative pour la réduction des grossesses chez les adolescentes au Burundi. Eric Nzeimana a précisé qu'au Burundi, 8% des filles entre 10 et 19 ans sont victimes de ces grossesses et a demandé aux autorités à la base de faire connaître tous les cas de grossesse et pour avoir des données fiables afin de les éradiquer. Suivez. D'après les études qui ont été réalisées, on s'est rendu compte que la majorité des grossesses non désirées, des grossesses chez les adolescentes, est due d'abord au manque d'informations sur les méthodes de prévention de ces grossesses. Eh bien, ça c'est la cause majeure, mais il y a d'autres causes, notamment ces personnes âgées, que ces jeunes, les adultes, qui tentent ces jeunes, et notamment en les incitant à travers des cadeaux, à travers des dons d'argent, à travers des dons de, actuellement des téléphones et d'autres outils qui tentent ces jeunes. Eh bien, il y a aussi d'une façon qui prennent aussi une allure inquiétante où on remarque que des enseignants sont parfois impliqués notamment à tromper les jeunes élèves en essayant de les amadouer et en essayant de leur donner une bonne note en échange du sexe. Effectivement, d'après des études appelées enquête démographique de santé, on a remarqué que presque 8% des personnes en âge de procréer, des jeunes adolescentes, ont déjà fait leur premier rapport sexuel et de cela, une grande proportion a déjà était enceinte. Nous voudrions que les autorités d'abord locales puissent savoir combien de filles dans leur communauté ont été enceintes, combien de filles dans la communauté. Nous voudrions aussi qu'au niveau central, les responsables des programmes, que ce soit dans les différents ministères concernés par la réduction de ces grossesses, pour effectivement prendre des mécanismes de riposte qui sont adéquats. Eric Nzeimana, coordinateur de coordinateur national de chez Annette Burundi. Et la mairie de Bujumbura tranquillise les employés de la coopérative Cleaning Women Group, faisant la propriété dans la mairie de Bujumbura. La chargée de la communication dit que la mairie est au courant de leurs arriérés de salaire et promet de commencer à toucher leur salaire au courant de cette semaine. C'est après que ces travailleurs se soient plaints contre la mairie de Bujumbura. Ils disaient qu'ils venaient de passer 3 mois sans percevoir leur salaire. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes à la radio Isanganiro.